actuelle dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, l'émission de Paul Sarès, Actualité. Le progrès et la vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Annie Douel. Aujourd'hui, 1962, troisième émission. Direction les États-Unis et la musique, plus précisément la comédie musicale. Au menu bientôt, Broadway Melodies. Mais nous ne prendrons pas l'avion, non? Pour quelle raison, en cette année 1962, la radio se passionnait-elle pour la comédie américaine? Très simple, un nouveau paquebot allait effectuer sa première traversée transatlantique. Donc, direction New York. Et le reporter de nous dresser le décor du paquebot que vous avez identifié. Ici Georges Laurier qui vous parle à bord du paquebot France au milieu de l'Atlantique. Quand je dis le milieu, c'est une image car en fait nous ne sommes pas encore à la moitié de l'Atlantique. Nous sommes exactement à 1000 milles, enfin exactement, disons environ plutôt à 1000 milles, soit 1900 km des côtes. Notre point précis, je vais vous le donner, c'est intéressant. Nous sommes à 47 degrés 56 minutes nord de latitude et 32 degrés 11 minutes ouest de longitude. Nous filons en direction de Terre-Neuve à la vitesse moyenne de 32 nœuds. Le temps, eh bien, pour vous dire la vérité, il n'est pas merveilleux, il n'est pas idyllique. Le ciel est très couvert, l'horizon est très bas et les vagues sont immenses. Elles ne sont pas encore du style tempête, mais enfin, on a l'impression que la tempête est au coin de la rue. Et ça pourrait très bien être pour tout à l'heure. Une chose aussi à vous signaler, nous décalons sur le plan horaire d'une heure et demie chaque jour, c'est-à-dire que pour nous, actuellement, il est 17h. Vous voyez, c'est l'heure du thé. Et il y a aussi une affluence énorme devant la salle de cinéma, car dans quelques minutes, Juliette Gréco, que nous avons enfin retrouvée, Juliette Gréco, dont on avait perdu la trace depuis l'embarquement au Havre, Juliette Gréco va donc présenter elle-même sur la scène son tout dernier film. Ce sera vraiment une avant-première, Roland Forez, voyez-vous, votre titre ici va nous servir, son film Maléfice, qu'elle a tourné avec, vous savez, Jean-Louis Borges. Le cinéma, en général, tient d'ailleurs une place très importante à bord, car évidemment, on ne peut pas se promener longtemps dehors, le vent est trop fort, alors on va au cinéma. Ce matin, il y avait une séance spéciale pour les petits-enfants, une séance de dessin animé. Je dois vous dire que j'y suis allé et c'était tout à fait charmant. Il y a tout de même quelques activités de plein air à certaines heures de la journée, lorsque le vent le permet, il y a le tir au pigeon. Vous savez comment ça se passe? Il y a un catapulteur qui propulse hors du bateau des petits ronds, des petites galettes de matière plastique ou de terre cuite, et on doit tirer dans la galette en imaginant que c'est un pigeon. Lorsque vous voyez les gens faire ça, en général, c'est signe de beau temps. Quelles sont les autres activités? Il y a toutes sortes de jeux à bord, et il y a un jeu qui passionne de plus en plus les passagers de ce premier voyage vers New York, c'est le jeu des pronostics du point. Chaque jour, on doit inscrire sur une feuille spécialement affichée à cet effet dans le fumoir des premières classes, on doit inscrire le point que l'on prévoit pour demain midi. Et la personne qui s'approche le plus du point précis donné par le chef de navigation à ce moment-là gagne une somme importante qui est de l'ordre, je crois, de 50 000 francs. Toutes les mises, cependant, sont mises dans un tronc commun qui est destiné au personnel. Car l'entreprise, naturellement, est bénéficiaire et c'est un bénéfice réservé au personnel. Eh bien, je crois, Roland Forez, vous avoir donné tous les renseignements que vous pouviez souhaiter sur le déroulement de ce voyage. Il est excellent et il laissera à tout le monde, je vous l'assure, des souvenirs merveilleux et enthousiastes. Ici Georges Laurier qui vous parlait depuis le paquebot France. À vous, Roland Forez. On ne joue pas qu'aux fléchettes ou à des paris sur le France. Sortez vos habits de gala, la croisière s'amuse, et l'on retrouve Juliette Gréco qui ne faisait pas que présenter son dernier film avec Jean-Marc Bory. Elle chante. Radiodiffusion Télévision Française, en transmission différée, voici une soirée de gala à bord du France avec Juliette Gréco. Au micro, Olivier Dorère. Une soirée de gala à bord, c'est toujours un événement attendu, et bien que le grand salon des premières classes, je vous parle, s'étende très majestueusement de bâbord à tribord, sur toute la largeur du pont Véranda, il est à craindre que pour ce soir, il ne se trouve trop exigu pour la foule qui s'y presse. En effet, tous les passagers ont voulu retenir leur table pour applaudir celle dont la silhouette aimablement féline s'est déjà faite pour eux familière dans les coursives et sur les decks, Juliette Gréco. Aussi, dans ce cadre d'un goût somptueux mais aux lignes sobres, où seules les tapisseries font éclater la vivacité de leurs bouquets de couleurs sur un fond gris trianon, s'est réunie la plus brillante, la plus prestigieuse assistance dont puisse rêver un maître de cérémonie. Les tenues de soirée des hommes font en noir et blanc le fond traditionnel sur lequel se détache en technicolore toute la grâce mouvante des passagers en robe du soir, piquetée des feux du diamant. Mais aussi soirée ornée des grâces de l'esprit dont s'animent les conversations, car on ne saurait énumérer toutes les personnalités, de Joseph Kessel à Paul Dervam, qui se trouvent réunies par petites tables tout autour de la piste de danse, dans l'attente de celle qui fut, en ses débuts, l'étonnante muse de Saint-Germain-des-Prés, Juliette Gréco. Par une amusante coïncidence ou quelques fantaisies du dieu des hasards, il se trouve que ce soir précisément, Juliette fête son anniversaire et chacun a voulu être là pour lui témoigner doublement sa sympathie. Entre autres, un certain Marcel Achard de l'Académie française, qui n'a pas refusé pour un soir d'être le plus spirituel des présentateurs mondains et qui en cet instant s'approche de notre micro. Mesdames, Messieurs, j'ai l'agréable mission, non pas de vous présenter, mais d'introduire Juliette Gréco. C'est, comme vous le savez, la princesse de la chanson. Mon grand camarade est aîné Molière, dans l'école des femmes, avait remplacé sur une ligne le mot « esprit » par le mot « amour ». Vous verrez que Juliette Gréco va vous prouver que les deux mots sont synonymes. Je me souviens de cet amoureux Serge Gainsbourg, accordéon. Dieu que la vie est cruelle, mon musicien est ruelle, son copain, son compagnon, c'est l'accordéon. Si c'est si qu'il est d'avivre, à s'asseoir quand il s'enivre, c'est-il vous, c'est moi, Manon. L'accordéon, l'on a l'accordé, l'accordéon. Ils sont comme tu es chemise, et quand on les verbalise, il accompagne au violon son accordéon. Il passe une nuit tranquille, puis au matin il refile un peu d'air dans les poumons. De l'accordéon, accordéa, accordéa, accordéon, on a l'accordé, l'accordéon. Quand parfois il lui massacre ses petits boutons de nacre, il en touche à son veston pour l'accordéon. Lui emprunte ses bretelles pour se couvrir la ficelle qui retient ses pantalons. En accordéon, accordéon, accordéon, on a l'accordé, l'accordéon. Mais un jour par lassitude, il verra la solitude se pointer à l'horizon de l'accordéon. Il en tirera 50 centimes à la brocante et on fera plus attention à l'accordéon. Accordéa, accordéa, accordéon, l'on a l'accordé, l'accordéon. Accordéa, accordéa, accordéon, l'on a l'accordé, l'accordéon. Avec ton cœur, monsieur dame. Thank you. Nous venons de vous présenter en transmission différée quelques extraits de la soirée de gala enregistrés à bord du paquebot France avec la participation de Juliette Gréco et de Marcel Achard. Présentation Olivier Derrère. Ici New York, Radiodiffusion Télévision Française. La traversée s'est bien passée, les auditeurs ont eu l'impression de la vivre, cette traversée, grâce à la radio. Les voici les pieds sur terre, à New York, bientôt à Broadway, où l'on retrouve un son parfait. Et voici la comédie américaine, la vraie, présentée tout d'abord par Jacques Salbert, puis par Georges de Cône, lequel Georges de Cône partira vivre quelques mois plus tard sur une île déserte, mais ceci est une toute autre histoire. Évidemment peu pour visiter New York. Et c'est le temps que resteront les passagers du France, tout au moins ceux qui ont l'intention de revenir par le premier voyage New York-Le Havre. Comme tous les touristes, ils seront certainement attirés par les néons de Times Square et de Broadway. Et même s'ils ne comprennent pas un mot d'anglais, ils auront toujours la ressource d'aller voir un musical show. Ces spectacles qui tiennent du théâtre, de l'opérette et du ballet à la fois, sont devenus les grands shows du moment, surtout depuis la guerre. Les plus célèbres, vous vous en souvenez probablement, se sont appelés Annie Get Your Gun, Call Me Madame, Cancan, South Pacific, West Side Story, My Fair Lady, et actuellement Carnival, Camelot, et surtout How to Succeed in Business Without Trying, c'est-à-dire comment réussir dans le business sans même essayer. L'engouement est tel pour ces spectacles que j'ai demandé des places avant-hier et je me suis fait répondre qu'il n'y avait rien de libre avant le mois de mars. Ces spectacles, ces shows, un nouveau genre, coûtent des fortunes à monter. Un échec est un désastre financier. Un succès, comme celui de My Fair Lady par exemple, doit pouvoir se chiffrer par des centaines de millions d'anciens francs. Un seul musical ne respecta pas la règle de Broadway. Il fut monté avec des moyens très limités, sans mise en scène excessive, et avec des acteurs dont Broadway ignorait complètement les noms. Et ce fut pourtant un des grands succès de ces dernières années. Je veux parler de La plume de ma tante, de Robert Derry. Opérette au-dessus de l'Atlantique. Une émission spéciale préparée et réalisée par Jacques Florent, Michel Godard et Jean Chouquet et présentée par Georges Decaune. Avec la présence de Colette Renard, Robert Derry et Colette Brosset, Fernand Gravet, Roland Petit, Michel Déon, Romain Gary, Paul Gilson, Philippe Soupeau, Joe Hamann, Maurice Lehmann et Maurice Chevalier. Ici Georges de Cône, un des seuls journalistes français à être resté en France et à ne pas être sur Le France. Et croyez que je le regrette beaucoup, car dans quelques heures, Le France va faire une entrée triomphale dans le port de New York, accueilli comme seuls les Américains sont capables de le faire, c'est-à-dire dans un véritable délire d'enthousiasme. Vous tous qui avez la chance d'être les passagers du France et qui vous préparez à débarquer à New York, écoutez bien. Vous voulez découvrir vraiment l'Amérique, toute l'Amérique, et vite. Alors voici ce qu'un spécialiste, l'ancien consul de France à Los Angeles, l'écrivain Romain Gary, vous conseille. Je trouve que pour les gens qui se rendent à l'Amérique, peut-être la meilleure façon de connaître l'Amérique, comme ça, rapidement, brusquement, à effet choc, c'est d'aller voir une bonne comédie musicale à Broadway. I'll never stop saying Maria. Maria, Maria, j'imagine très bien ce que vous allez me dire. Ça n'est pas la peine de quitter la France et de quitter le France pour entendre cet air-là qui se chante aussi chez nous en français. Maria, je t'aime, Maria. Mais voilà, je ne sais pas quelles sont exactement vos réactions, mais en ce qui me concerne, Maria en français, je trouve ça vraiment shocking. Maria, Maria, non, non, non, pas possible. Certains imaginent peut-être mieux comprendre la chanson sous prétexte qu'ils comprennent un petit peu les paroles. Je crois qu'ils font là une nouvelle erreur, car on comprend beaucoup moins bien cet air. Car le même air chanté sur les rives de la Seine par un chanteur d'opérette, ça n'est pas du tout ça. Ça, c'est-à-dire, ça n'est pas du tout le Nouveau Monde. Et il en a été de même avec toutes les Rosemary, les Annie du Far West que nous avons connues en France. C'était des petites cousines d'Amérique, bien sûr, mais ça n'était pas de vraies Américaines. Et puis, un jour de printemps, l'année dernière... I like to be in America, okay by me in America, everything free in America, for a small fee in America. America. I like the city of San Juan, I know a boat you can get on. Hundreds of flowers in full bloom, hundreds of people in each room. Automobile in America, chromium tea in America. Why is for free in America? Very big deal in America. I'll drive a few weeks to San Juan. If there's a road you can drive on. I'll give my cousins a free ride. How you get all of them inside? Immigrants go to America. Many hellos in America. Nobody knows in America. Puerto Rico in America. Un jour de printemps de l'année dernière, Paris découvre la vraie comédie musicale américaine jouée par une troupe venue des États-Unis. Paris découvre West Side Story. Sur la scène de l'Alhambra, de jeunes artistes absolument inconnus dans le quartier de la République chantent, dansent et jouent la comédie. Alors que, habituellement, chez nous, en France, il y a des chanteurs qui ne jouent pas très bien la comédie, il y a quelquefois des comédiens qui chantent un peu, et il n'y a presque jamais des comédiens et des chanteurs qui soient capables de danser. Dans la fosse de West Side Story, l'orchestre grince et casse tout. On peut donc écrire une opérette sans musique à l'eau de rose. What have they got there to keep clean? I like the shores of America. Cobweb is yours in America. Knob on the door in America. Wall to wall road in America. Quelles sont les réactions? Eh bien, elles sont assez disparates. Les snobs crient au miracle. Mais celles qui les accompagnent, les jolies aristocrates de Passy et d'Auteuil qui ont fait tout un voyage pour venir jusqu'à la République, celles-là s'ennuient à mourir. Conséquence, le public populaire, qui qui, lui sans doute, aurait aimé la simple et belle histoire de Roméo et Juliette revue de nos jours par les mauvais garnements de la banlieue de New York, le public populaire ne vient pas. Malgré les bonnes critiques des journaux, malgré les échos flatteurs des salons, Paris, le vrai Paris, n'a pas vu West Side Story. En partant pour vous à la découverte de la comédie musicale américaine, la vraie, j'ai ressenti une curieuse impression. J'ai été reçu par des écrivains, des artistes, qui vont vous parler dans un instant, et en bavardant avec eux, en les questionnant sur cette fameuse comédie musicale d'outre-Atlantique, j'avais l'impression de leur parler d'une femme. 1962, Tony Pastor chante dans Tenderloin. Dear friends, may I say, this is much too nice a day to talk of that, not today, when the beach is like a welcome mat. Be my boon companion, not a financier. How can I be solemn with water in my ear? Dear friends, just relax, let's enjoy ourselves and be the best of friends. Take the word, this is what the doctor recommends. See the way the ocean merges from the sky. Let's be like that, you and I. Dear friends, good friends, you and I. Donc, récapitulons, la comédie musicale est née en 1900 à Broadway. De parents originaires de Londres d'une part, origine paternelle Peter Pan, et du Far West d'autre part. La mère, Annie, prend en fusil. Voilà donc une jeune femme qui a une lourde hérédité. Dès sa naissance, elle sait improviser des chansons et des danses, et de plus, elle monte, naturally, à cheval. Signe particulier, n'a pas peur du ridicule, même quand il s'agit de dire « je t'aime », ce qui lui permet de porter des robes ornées de rubans noués un peu partout, devant, derrière et même dans les cheveux. If I loved you, time and again I would try to say all I'd want you. Joe Hamann, lui, qui fut la grande vedette du muet, Joe Hamann a bien connu le Far West par la même occasion. Je suis vraisemblablement un des rares survivants de cette époque-là, et ce que vous dites est très juste, car le Far West que j'ai connu encore à peu près dans tout son éclat, a inspiré certainement un grand nombre de comédies musicales américaines. Et Monsieur Joe Hamann, vous avez participé au spectacle de Buffalo Bill. Oui, oui. Ce spectacle de Buffalo Bill rassemblait les motifs d'intérêt que l'on retrouve à l'origine dans les comédies musicales. Exactement, avec même une sorte de poésie, si vous voulez, une sorte de... c'était du folklore, puisque Buffalo Bill prétendait, à juste raison d'ailleurs, montrer au public le drame et la poésie du Far West. Est-ce que dans le spectacle de Buffalo Bill, il y avait aussi de la chorégraphie, des danses indiennes? Très peu, On parle beaucoup de la bataille, de gestes de mort, mais il n'y avait pas de gestes de paix, de danse? Non, très peu. J'oublierai pourquoi, parce que la piste était en plein air et généralement horriblement poussiéreuse ou horriblement boueuse suivant le temps qu'il faisait, car on recevait quelquefois des orages sur le dos qu'il fallait subir tout en poussant des cris et en attaquant quand même la diligence. Alors, pour pouvoir danser, il y avait des danses à certains jours quand il faisait, quand le temps était beau, dans des pays chauds, comme par exemple en Californie. Alors là, il intercalait des danses et des chants. Et est-ce qu'au milieu de tous ces guerriers, il y avait quand même un peu de grâce féminine? Est-ce qu'il y avait quelques chanteuses? Ah, pas du tout. Ah, ça, pas du tout. Pas du tout. Je vous dirais que j'ai rarement vu une jolie indienne comme on en voit maintenant dans les multiples photographies que l'on prend, par exemple, au Nouveau-Mexique. Il est vrai que ça, c'est différent. Ce sont déjà des indiennes, des croisées, n'est-ce pas? Oui. Mais l'indienne vieillit très vite, devient très vite une grosse dame, et n'aime pas du tout se mêler à ces choses-là. Elle voit ça avec un certain mépris et elle s'amuse de leur mari pour rouge quand ils montent à cheval pour Buffalo Bill. Ah bon. Eh bien, nous voyons grâce à vous, M. Joe Hamann, ce qui manque au spectacle de Buffalo Bill pour être une comédie musicale américaine véritable. Il manque la danse, Et il manque un sourire et une voix de femme. Oui. Pour se lamenter en chanson, comme il convient dans la comédie musicale. Oui, et les seules femmes gracieuses qu'on a vues en piste, c'était ce qu'on appelle les cowgirls, ça ne veut rien dire parce qu'il n'y a jamais eu de femme cowboy, ou alors Annie Oakley, la fameuse Annie du Far West, qui faisait un numéro de tir, comprenez-vous. Qui faisait partie de la troupe de Buffalo Bill. Qui faisait partie de la troupe de Buffalo Bill, qui est venue, je crois, en Angleterre, en France, je ne crois pas, mais en Angleterre sûrement, en 87. Jérôme Kern est le compositeur de Showboat, mais le grand nom actuel de la comédie musicale américaine, c'est Leonard Bernstein, que vous découvrez à travers un extrait d'On the Town, son premier grand succès à Broadway en 1945, dont Paul Gilson vous raconte l'histoire. C'est une histoire qui commence sur le front de mer de New York, au Brooklyn Navy Yard, et c'est là que débarquent trois matelots américains qui prennent une permission de 24 heures. Là, il rencontre Miss Subway. Miss Subway est une sorte de reine du métro, dont la photographie sourit sur toutes les affiches et dans tous les compartiments. Et c'est l'un de ses matelots, Gabby, qui tombe amoureux de cette reine du métro. Mais il ne connaît d'elle qu'une image. Et ses deux camarades, Chip et Hazy, l'aident à chercher le modèle. Cette recherche les entraîne au hasard d'une ville où l'on peut se trouver seul au monde. Ce n'est d'ailleurs pas difficile. Il y a plus de 7 millions d'habitants. Et vous avez deviné qu'il s'agit de New York. Et c'est dans New York que, désespérément, les trois matelots cherchent Miss Subway. Ils vont tour à tour au Muséum d'Histoire Naturelle, au Carnegie Hall, à Times Square. Mais ils ne reconnaissent à aucun moment Miss Subway parmi les mille et mille visages qui se pressent dans Times Square. Tous ces visages leur demeurent étrangers et chacun de ces matelots se sent aussi seul que l'homme des foules d'Edgar Poe. Mais vous allez vous demander probablement qui est réellement Miss Subway. Eh bien, c'est une fille très simple qui prend des leçons de musique et travaille dans l'espoir de devenir vedette. En attendant, elle danse chaque soir pour $50 par semaine dans une baraque du parc d'attractions de Coney Island. Et c'est là, en fin de compte, que l'un des matelots, Gabby, la découvre, après avoir rêvé dans le métro que Coney Island est un pays de merveilles et que la demoiselle de son rêve est une princesse de féerie. Et lorsqu'il la découvre, ce qui est plus étonnant, c'est que la réalité ne le déçoit pas. Miss Subway lui sourit. Mais malheureusement, les heures passent, les 24 heures s'achèvent, le temps va trop vite et les matelots attendront la prochaine permission pour se retrouver. C'est d'ailleurs le titre d'une des dernières chansons de la comédie musicale de Leni Bernstein, Some Other Time. 24 hours can go so fast. You look around, the day has passed. When you're in love, time is precious stuff. Even a lifetime isn't enough. Where has the time all gone to? Haven't done half the things we want to. Oh, well, we'll catch up some other time. This day was just a token. Too many words are still unspoken. Oh, well, we'll catch up some other time. Just when the fun is starting, comes the time. But let's be glad for what we've had and what's to come. There's so much more embracing still to be done, but time is racing. Oh, well, we'll catch up. L'histoire d'On the Town que vient de nous évoquer Paul Gilson, c'est l'histoire type de ce genre de comédie. Mais quelle est la valeur littéraire de ces histoires? Nous allons le demander à Michel Déon. Vous avez généralement des paroles qui ne sont pas insipides, qui ne sont pas idiotes. Vous avez vraiment des couplets dans une comédie musicale comme My Fair Lady. Les couplets, mais sont d'une ingéniosité poétique folle. Je dis poétique car véritablement, à ce moment-là, on s'incline et si on lit ces textes-là, on dit, oui, il n'y a pas de doute, c'est un travail extraordinaire. Je crois que c'est un travail comme peut-être Valérie en ferait un sur un texte pour retrouver des assonances, pour retrouver des mots qui jouent les uns avec les autres. Et c'est ça, beaucoup, le charme de la comédie musicale américaine. Si on l'écoute bien, si on fait extrêmement attention aux détails, on voit que c'est prodigieux l'effort qui a été fait autour de détails extrêmement humbles. Exemple, la leçon d'anglais de My Fair Lady. The rain in Spain stays mainly in the plain. The rain in Spain stays mainly in the plain. Again. The rain in Spain stays mainly in the plain. I think she's got it. I think she's got it. The rain in Spain stays mainly in the plain. By George, she's got it. By George, she's got it. Now once again, where does it rain? On the plain, on the plain. And where's that soggy plain? In Spain, in Spain. The rain is dancing in the plain. The rain is dancing in the plain. In Hartford, Hereford, and Hampshire, hurricanes hardly happen. How kind of you to let me come. Now once again, where does it rain? On the plain, on the plain. And where's that blasted plain? In Spain, in Spain. The rain is dancing in the plain. The rain is dancing in the plain. Ce mélange de fantaisie et d'un certain réalisme, c'est un peu cela, la comédie américaine. Mais y a-t-il un dosage précis? Y a-t-il une formule? C'est le sens de la question que nous allons poser à Romain Gary. L'Amérique ne conçoit, au fond, et n'accepte que le théâtre réaliste. Jamais à Broadway, une fantaisie, dans le théâtre ce qu'ils appellent légitime, n'a eu de succès, n'a eu, au fond, d'emprise sur le public. Et la comédie musicale est pour eux la seule façon d'avoir un théâtre que j'appellerais fantaisiste et expressionniste. L'Américain n'accepte pas au théâtre, au grand théâtre, c'est-à-dire celui qui attire les masses, le maniement des idées. Il veut de la réalité, il veut presque des tranches de vie plus ou moins interprétées. Nous acceptons le théâtre intellectuel. Si vous voulez, ma réponse est très simple. La comédie musicale, mais comment donc, elle existe en France, elle a triomphé en France, mais personne ne s'est aperçu, sauf peut-être Louis Jouvet qui l'avait dit, que c'était de la comédie musicale, et c'est Giraudoux. On a dit que Giraudoux était de l'opéra. Non, ce n'est pas de l'opéra, c'est plutôt la comédie musicale telle qu'on le conçoit en Amérique. Et d'ailleurs, le seul théâtre fantasy, poétique, d'évasion, étranger, qui n'ait jamais triomphé à Broadway de mémoire d'homme, ça a été Giraudoux avec La Folle de Chaillot et avec Ondine. Bed, I couldn't go to bed. My head's too light to try to set it down. Sleep, sleep, I couldn't sleep tonight. Not for all the jewels in the crown. I could have danced all night. I could have danced all night. And still have begged for more. I could have spread my wings and done a thousand things I've never done. I'll never know what made it so exciting. Why all at once my heart took flight. I only know when he began to dance with me, I could have danced, danced, danced all night. It's after three now, don't you agree now? She ought to be in bed. Could have danced. You're tired out. All night. You must be dead. I could have danced. Your face is drawn. Your eyes are red. Now say goodnight, please. Turn out the light, please. It's really time for you to be in bed. I could have spoken. To come along. Do as you're told. Or Mrs. Pierce is apt to scold. You're up too late. This picture is late. Miss, you can't afford. I'll never know what made it so. Dosage essentiel, celui de la musique et de la chorégraphie. Mais dans quelle proportion? Dans My Fair Lady, la musique est l'élément le plus important, alors que dans West Side Story, c'est l'étonnante chorégraphie de Robbins. Notre Robbins à nous, et nous le préférons bien sûr, c'est Roland Petit. Il démontre actuellement à Paris, avant d'aller le vérifier à New York, que le populo, et pas seulement le public du Marquis de Cuevas, peut aimer un spectacle de variété mené de bout en bout par une chorégraphie sans concession, mais faite de lyrisme, de sensualité, de gentillesse et de précision. Et sur les pointes, s'il vous plaît. Les Américains ont une sorte de grande usine avec ce genre de spectacle. Ils connaissent leurs ingrédients, ils savent comment les composer, ils savent que la mise en scène a une grande importance, que la distribution a une grande importance, que la chorégraphie en a une aussi, ce qu'on oublie un petit peu quelquefois chez nous. Comment croyez-vous alors que Zizi, française, ait réussi à s'imposer aussi rapidement à Broadway? Mais je crois que Zizi, moi, j'ai peut-être un peu de parti pris, enfin, mais je crois que Zizi s'imposerait sur n'importe quelle scène dans n'importe quel pays, où qu'elle aille, elle a toujours... Je sais pas, quand elle arrive, c'est Paris, quoi. Et quel est votre meilleur souvenir avec Zizi Jeanmaire à Broadway? Quel est le spectacle que vous avez préféré? Il y a un spectacle qui n'est pas de ceux que j'ai préférés, mais qui m'avait follement amusé parce que Zizi était comme une locomotive et tirait tout le spectacle. Le spectacle n'était pas particulièrement réussi, mais elle y était très amusante et pleine d'entrain. Et c'était un spectacle tout de même, j'en ai un bon souvenir, ça s'appelait La Girl in Pink Tights. Et c'est-à-dire en La France, fille au maillot rose. Let's pretend we're in Paris and in love. Just imagine how romantic we could be with a smile. We could whisper au revoir as the blue dawn of a new day breaks above. For a while let's be happy where we are. Il faut avouer qu'entendre notre Zizi National chanter un duo avec un personnage aussi suave, aussi sucré, un vrai caramel mou, c'est finalement assez comique. Et ça s'appelle In Paris et In Love, un vrai flirt au-dessus de l'océan. D'ailleurs, le show à Broadway, et pas celui qui marche le moins bien, ce show-là est quelquefois français, signé d'un paysan bourguignon ou d'un habitué des bistrots parisiens, alors il s'intitule soit La plume de ma tante, de Robert Derry, ou Irma la douce, d'Alexandre Préfort. À ce propos, l'interprète d'Irma la douce à Paris, Colette Renard, n'est pas tout à fait d'accord avec Philippe Soupeau, qui, lui, a vu Irma à Broadway. Nous sommes allés voir Irma la douce, et à notre grande stupéfaction, il y avait 35 musiciens dans la fosse. Premier étonnement, parce que, vous savez, Crémon a participé à la musique d'Irma et 4 musiciens étaient suffisants. On a posé la question, on leur a dit, mais enfin, pourquoi mettez-vous 35 musiciens, puisqu'en fait, on n'en a pas besoin de tant. Ah oui, mais vous comprenez, ici, il y a tant de places dans la salle, et alors le syndicat des musiciens nous impose 35 musiciens. De toute façon, si on juge maintenant la question de travail... Quand j'ai vu Irma, je dois vous dire, si on m'avait proposé le rôle tel que je l'ai vu, je l'aurais refusé. Parce que la seule chose qu'il y avait de bien dans Irma la douce, pas la seule chose, mais enfin, ce qui tenait Irma la douce, c'était la gentillesse, c'était la poésie, c'était le côté léger de... C'était traité d'une manière très intelligente. on n'accusait pas le coup de la fille qui faisait le trottoir. La prostitution n'était pas étalée. On n'écrasait pas les gars qui viennent au Rapide Hôtel, qui attendent leur tour en gigotant, comme je l'ai vu, vous comprenez. J'ai été vraiment catastrophée de la manière dont la gentillesse avait été effacée et le côté méchant et dur avait été largement amplifié. Peut-être Paris est une ville tendre et New York est une ville cruelle. Et tous les traits un peu forcés que signalait connaître Nara à juste titre, c'est presque nécessaire à New York. Les gens vont au théâtre, non pas si vous voulez pour passer une bonne soirée, ils vont au théâtre pour se détendre, pour sortir de leur univers quotidien. Alors on leur donne quelque chose qui a un certain exotisme. Ça ne ressemble absolument pas à Paris. Je ne connais pas d'Irma la Douce à Paris qui puisse être comparée à celle de New York. Ça n'existe pas. Mais il y a un rythme formidable. Je dois dire que, contrairement à Colette Renard, c'était très joli, le petit orchestre, les quatre instrumentistes qu'il y avait au Théâtre Grammont le jour de la première. Mais j'ai trouvé tout de même que la musique de Marguerite Monod gagnait tout de même, et que c'était tout de même quelque chose d'assez étonnant de voir que quand même il y avait dans les airs quelque chose tout de même d'extraordinairement mis au point et que c'était tout de même excellent. À titre d'information impartiale, voici la version française. Oh, dis donc, ce que tu me plais, j'en suis dingue. Oh, dis donc, c'est toi qui me fais du gringue. Oh non, c'est pas du pauvre, je suis bien mordu pour ta jolie gueule d'amour, ma gueule à moi. Et voici comment les Américains l'ont traduite. Oh, I can't get tied, and it go, no, because you're by my side. If you give me the squeeze, a la bottom of me, I go weak at the knees, ding-dong-ding-dong. Before you have been more like work than play, but I worship and adore you in a very different way. I be good, oh, no, I'm fully guaranteed. I be good, oh, no, to be your friend in need. So I love from the bottom, with the bell chiming up, all the people of the world. C'est difficile, n'est-ce pas, de porter un jugement? D'autant plus que nous avons pas mal d'amis américains qui nous écoutent ce soir. Mais il faut avouer qu'il est assez difficile, il est même très délicat, de tirer une conclusion sur un sujet aussi mouvant que la comédie musicale américaine. Car ce qui est vrai aujourd'hui risque de ne plus l'être demain. Alors, faute de conclusion, nous pouvons toujours vous soumettre une constatation qui est fort réjouissante pour notre amour-propre national. Le prix de la critique et le best musical de l'année, disputé entre tous les shows de Broadway, ont été décernés à Robert Derry, parisien de Bourgogne, père des Branquignoles, et à Colette Brossé, petite fille idéale, pour La plume de ma tante. Ils nous ont dit, on vous a beaucoup donné le prix pour ça, parce qu'on a ri énormément, et ils trouvaient qu'ils ne riaient plus dans les comédies musicales. Moi, je vais vous donner moi mon avis. C'est avant tout un peuple de musiciens. Les Noirs leur ont appris le jazz, ils l'ont bien appris. C'est un peuple de musiciens et de danseurs beaucoup plus que nous. En somme, il faut chercher ça dans le folklore. Si on voit danser un square dance, ça correspond à notre bourrée auvergnate. Moi, j'aime mieux voir danser un square dance qu'une bourrée auvergnate, pas vous, non? Bien sûr, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur la comédie musicale américaine. Ce soir, nous n'avons fait que commencer à vous en parler. Pendant ce temps, France s'approche de New York. Et vous, vous allez devenir les acteurs de cette comédie américaine. Alors, bonne chance. Nous continuerons notre petite conversation au prochain paquebot. Bonsoir. Broadway Memories, opérette au-dessus de l'Atlantique, une émission de Jacques Florent et Michel Godard, présentation Georges Decaune, réalisation Jean Chouquet. Première diffusion sur Paris Inter, le 7 février 1962. C'était les années 60, aujourd'hui 1962, troisième émission. Archivina Véronique Jolivet, Amélie Briand-Lejeune et Hervé Evano. Mixage Marie-Dominique Bougot, réalisation Annie Douelle, une émission de Philippe Garbi. À suivre.